Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 46. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 1er octobre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Colpe et la Tarte, tu es meilleur économiste de France, tu es Casimir et son gloubi-boulga, tu es Emmanuel dans son fauteuil en rotin, tu es Bokassa et ses diamants, et tu es aussi... C'est une émission très importante, puisque c'est au cours de cette émission que je vous dirai quel est l'enjeu de la campagne présidentielle, l'enjeu pour la France. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin tu es les années 70. Cette semaine, Valéry Giscard d'Estaing, président Giscard donc, a publié le troisième tome de ses mémoires, intitulé « Choisir » et consacré à son exercice du pouvoir à la fin des 70s. Si, je te le promets, il y a longtemps, Giscard fut à la barre. Alors, à l'heure où VGE porte un regard nostalgique sur cette époque dorée, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'enfiler un costard à paillettes et à pattes d'ef pour revisiter en 53 minutes la décennie 70s. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de tes années 70. Pour commencer, de VGE à Jean-Paul II, nous allons voir pourquoi les 70s furent une décennie de rupture. Ensuite, nous nous intéresserons au profond bouleversement qu'a connu la sphère des médias durant les années 70. On enchaînera justement sur une petite surprise de Coluche imitant le style incomparable de Léon Zitrone, star de la télévision dans ces années-là. Et puis, mystérieuse affaire, nous te dévoilerons pourquoi les principaux candidats à la prochaine élection présidentielle ont souhaité cette semaine rencontrer président Giscard dans le plus grand secret. Et enfin, te raconter cette fête incroyable entre sexe et drogue qu'ont vécu Monique et Jean-Claude à l'époque, alors qu'ils n'avaient pas 30 ans. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et danse sous la boule à facettes. Dancing Queen chante en 1976 le groupe suédois ABBA. une référence de la planète disco, parce que, c'est clair, les 70s ont commencé en criant « Abba la répression » et se sont terminés en « Dancing à la Bastille ». Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission à la décennie hallucinante des années 70. Une décennie qui commença, figure-toi, par une interruption d'antenne. Quelque chose à nous dire ? Oui, une nouvelle grave qui nous arrive un instant. Le président de Gaulle est mort. Bien. Claude Bourret, il va sans dire que dès que nous aurons des nouvelles pour compléter cette information, ce flash de dernière minute, nous avons voulu vous le donner tout de suite. C'est la loi de l'information. Vous intervenez quand vous le voulez. La mort du général de Gaulle en 1970, c'est une vraie rupture dans la vie politique française. Au pouvoir depuis 1958, le général a été omniprésent jusqu'à sa démission en 1969, après l'échec de son référendum sur la régionalisation. Son successeur, président Pompidou, a suivi la voie, sur berge bien sûr, de la politique gaullienne. Mais la maladie mit fin brutalement à son septennat. L'élection présidentielle anticipée de 1974 constitue alors une nouvelle rupture dans la vie politique française. Oui, pour la première fois sous la Ve République, le président élu n'est pas un gaulliste. Pour les jeunesses giscardiennes, si, ça a existé, l'élection de président Giscard, c'est l'espoir d'un avenir radieux. Voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. La, la, la, la, la, un paradis, c'est vite dit. Il n'est pas certain que Christian Ranucci, lui, exécuté en 1976 après s'être vu refuser la grâce présidentielle, malgré les soupçons d'innocence, soit vraiment de cet avis. Oui, président Giscard, ce ne fut pas qu'un monstre gentil. D'ailleurs, c'est également l'avis, en 1976, de Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre, et très en colère. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Jacques Chirac démissionne donc de son poste de Premier ministre en 1976. Il va alors conquérir la mairie de Paris et fonder cette bande de joyeux compagnons qu'est le RPR. Pour remplacer Chirac, président Giscard choisit alors un homme d'action. Le meilleur économiste de France, nous dit-il, pour diriger le gouvernement, c'est Raymond Barre. Il faut dire que les 70s, c'est la fin de la croissance des 30 glorieuses. L'inflation et le chômage galopent et la politique de Barre est sans effet. Alors, si le bilan économique du septennat Giscard n'est pas au top, en revanche, dans le domaine social, il y a du changement. Réforme du divorce, majorité qui passe de 21 à 18 ans et puis, en 74, une intervention historique à la tribune de l'Assemblée nationale. Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. L'action de Simone Veil et de milliers de femmes du MLF conduit à la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Et oui, durant les années 70, dans le monde politique français, ça bouge beaucoup. D'ailleurs, dans l'opposition, la gauche décide de mettre fin aux divisions et en 1972, c'est le programme commun. C'est clair, pour les socialistes et les communistes, il va falloir... Apprendre à vivre ensemble, de janvier à décembre, tel tellement on se ressemble. La même illusion d'un monde meilleur, la même absolue chanson plantée au cœur de nos cœurs. Pour la gauche, vivre ensemble devient réalité à la fin des années 70. L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981 marque la fin des 70s en France. Une décennie donc qui a vu arriver sur le devant de la scène des hommes nouveaux. Tu me diras, il n'y a pas qu'en France que des hommes nouveaux arrivent au pouvoir pendant les années 70. Bien, c'est ce qui se passe maintenant. Sur la place Saint-Pierre, alors, eh bien, le pape n'est toujours pas sorti. Non, il a 8 minutes de retard tout de même. Ah oui, mais tout cela est très long. Le pape doit donc essayer cette soutane. Et on prépare des soutanes, mais encore faut-il qu'on puisse les ajuster et que le pape ne soit pas, disons, trop ridicule quand il apparaîtra. Il n'est jamais ridicule, bien sûr. Mais nous l'attendons là avec beaucoup d'impatience, bien sûr. Et est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce que disait François Foucard, c'est-à-dire un pape à poigne, quelqu'un d'assez conservateur? Je crois que nous n'employons pas presque le même langage. Je crois qu'il ne faut employer ni conservateur. Un pape n'est pas conservateur, si vous voulez, mais encore moins un révolutionnaire. Un pape révolutionnaire, ce serait extravagant. Je pense qu'on peut laisser tranquillement le pape Jean-Paul II s'habiller. Vous n'hésitez pas à nous interrompre dès qu'il se passe du nouveau place Saint-Pierre. Mais pourquoi autant de temps pour voir apparaître Jean-Paul II en 1978, place Saint-Pierre? Eh bien, tout simplement parce qu'une élection pontificale, vue des coulisses, c'est très, très compliqué. En 78, très mauvaise année pour les papes. Deux d'un coup, on est sûr. Parce que dis donc, pour en élire un autre, un pape, c'est la merde, hein. Puis il y a la fumée, il faut faire venir l'Indien, il y a des tas de... Alors ils mettent dans une pièce, et là où il y a la fenêtre, et ils font pouf-pouf, pouf-pouf, ça sera toi qui va être le pape. Bon. Il y en a un qui gueulait parce que ça faisait 4 fois que ça tombait sur lui. Alors à un moment, il a dit, vous retournez pas. Il y a un Polonais qui vient d'entrer. Il parle pas la langue. On va le pousser à la fenêtre, ça va être bon pour lui. Tiens, bonjour Jean-Paulski. Salut les filles. Bon, il est con. Bon. Alors, dites-moi, il y a votre bagnole qui gêne. Oh, la bagnole! Qui a pris le micro et dit c'est lui le pape. Ouah, il est polonais. Jean-Paul II devient donc à 58 ans le premier pape slave et surtout le premier qui n'est pas italien depuis le 16e siècle. L'Église a d'ailleurs choisi avec Jean-Paul II un pape jeune parce qu'après le pontificat éclair et la mort douteuse de Jean-Paul Ier, il est temps de mettre de l'ordre au Vatican, car sa gueule au paradis est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice, inventé le self-service. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le silence du jardin des oliviers, dit je voudrais m'accuser de ma désobéissance. Jésus-Christ a donc ses tuniques, inventé l'autocritique. Alléluia, alléluia. Je suis le sauveur attendu et lorsque vous ne m'aurez plus, vous pouvez vous attendre au pire. Jésus-Christ a donc, quel cynisme, inventé l'après-gaullisme. Alléluia, alléluia. Alléluia, garantie, c'est ce que promet le génial Jean-Yann sur la bande originale du film « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil » en 1972. C'est sûr qu'avec l'énorme succès à Broadway en 71 de la comédie musicale « Jésus-Christ Superstar », les producteurs du spectacle se sont dit « Alléluia, garantie ». Alors, pour continuer notre voyage au cœur de la galaxie des 70s, toujours en direct du Mangin Palace, après avoir survolé la décennie politique, il est temps maintenant de nous intéresser aux profonds bouleversements qu'ont connus les médias durant les années 70. Alors oui, je te le demande, que s'est-il passé à l'époque dans notre petit monde médiatique ? Eh bien, quand commencent les années 70, les gentils journalistes sont tous sous contrôle de l'État. Merci, Monsieur Perfit. À tel point que président Pompidou lui-même estime que ces gentils journalistes sont la voix de la France. Autrement dit, si après la mort du général, par exemple, tu oses titrer en une « Balle tragique à Colombey, un mort », certes, c'est très drôle, mais tu te retrouves immédiatement suspendu et interdit de publication, petit con. Seulement voilà, dans une France qui sort de mai 68, la société se fissure et certains signes nous laissent enfin présager un véritable changement quant à l'indépendance de l'information. C'est ainsi, par exemple, que le 18 avril 73, sous l'égide de Jean-Paul Sartre, apparaît dans les kiosques un nouveau journal, le quotidien Libération, longue vie à lui. Mais bon, rassure-toi, au début des 70s, le légendaire ORTF règne toujours en maître sur l'Hexagone, jusqu'à ce que la situation devienne finalement grotesque et qu'on décide enfin d'en finir le 1er janvier 1975. La fin de l'année a marqué aussi la fin de l'ORTF. L'office a cessé d'exister à minuit, cédant la place aux 7 nouvelles sociétés de radio et de télévision. Cependant, il faudra attendre le 6 janvier pour voir apparaître les nouveaux programmes de chaque société. Pour la radio, la société s'appellera Radio France. C'est le nom de la société, mais France Inter, par exemple, comme les autres chaînes, conserve son nom. Alors, Monsieur le Président de la République, Radio France, c'est une des grandes 4 radios françaises. Oui, c'est une des 4 grandes radios françaises. Alors, naturellement, elle est plus, par son origine, elle est plus proche de nous, puisque la nation la possède. C'est un bien de la nation, et donc elle est plus proche de nous, mais c'est une des grandes radios françaises. Et je souhaite que, si elle l'emporte dans cette compétition, elle le fasse précisément par sa qualité et son objectivité. Et les journalistes, ce sont des journalistes comme les autres. Eh bien, ils sont des journalistes très sympathiques, en tout cas en ce qui vous concerne, mais ce sont des journalistes comme les autres. Merci, président Giscard. Ainsi, le 31 décembre 1974, l'Office de radiodiffusion et de télévision française est enfin supprimé. Alors, premier test, première question, est-ce qu'il y a une évolution dans le genre télévisuel ? Est-ce qu'il y a une évolution dans le genre du Martin Jacques que l'on va retrouver le dimanche Martin ? C'est le titre de l'émission. Non, c'est pas le titre de l'émission, c'est la surprise. C'est la première fois que je donne le titre. Cette émission va s'appeler Le Petit Rapporteur. Pourquoi ? Parce que c'est un journal, un journal hebdomadaire qui va fusiller l'actualité sous un angle comique. C'est une façon de voir l'actualité, assez inédite, enfin... Comme je la vois moi en tant que rédacteur en chef. À la pêche, au moule, moule, moule, je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville, m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, ville, ville, m'ont pris mon panier, maman. Eh oui, dès le 19 janvier 75, apparaît le dimanche midi sur les écrans de TF1, dis donc, l'impertinent petit rapporteur. Surgissent alors, aux côtés de Jacques Martin, deux fous furieux, Daniel Prévost et Pierre Desproges. Mais bon, on est sur TF1, du coup, au bout d'un an, ils sont virés et atterrissent heureusement sur Antenne 2. Alors maintenant, second test, seconde question, qu'en est-il à la radio ? Certes, sur Inter, il y a l'oreille en coin, mais par exemple, comment annonce-t-on désormais, après la mort de l'ORTF, donc, la disparition d'un homme politique ? Nouvelle tragique. Nous apprenons à l'instant la mort subite de M. Edgar Morse, ancien ministre, secrétaire général de l'Action unifiée des forces regroupées de la gauche, président des établissements Regard Morse. membre de plusieurs conseils d'administration, connu dans les milieux de textile, de la presse. Monsieur Morsin laissera le souvenir d'un homme affable, courtois et profondément... Non, il ne faut pas exagérer quand même. Je crois qu'il laissera surtout... D'abord, il laissera aucun souvenir. Il faut bien le dire. Et Aurélien Mouzeran, qui écoute notre conversation derrière la vitre, viens. Je voudrais pas avoir l'air d'abonder, mais j'en parlais l'autre soir avec Sylvain. C'était, il aurait tué n'importe qui, il buvait n'importe quoi. C'était un éthylique, le mec. Oui, et puis quand il venait au studio, il fallait se le farcir. Hein, c'était pas du gâteau. Hein. Bon, bah, alors vous voyez que, n'est-ce pas, il n'y a pas de raison de se lamenter, on écoute un peu de musique. Alors là, je t'arrête immédiatement. C'est de la pure fiction. Même aujourd'hui, si tu annonces de cette manière la mort d'un homme politique sur les antennes de Radio France, tu es viré immédiatement. Certes, c'est regrettable, mais bon, c'est comme ça. Plus sérieusement, il faut tout de même reconnaître que la fin des années 70 a beaucoup apporté à la liberté d'expression dans les médias. À tel point d'ailleurs que certains se sont sentis permis d'utiliser la télévision des 70s pour passer des petites annonces coquines, voire carrément érotiques. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Il est toujours difficile de parler de soi, et pourtant il faut le faire pour vous dire que je suis né le 2 février 1926, j'ai 48 ans, mes 4 grands-parents sont enterrés dans le canton de Saint-Amand-Talande, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Je voudrais ajouter que je suis marié, que nous avons 4 enfants, 2 filles et 2 fils. Les deux filles ont 20 ans et 13 ans, et les deux fils ont 17 ans et 15 ans. Résultat, avec cette petite annonce coquine à la télé, il a chopé la France tout entière, président Giscard, pour ne pas dire autre chose. Cela dit, la télé des années 70 a également connu d'autres bouleversements fondamentaux. Désormais, entre dans ton salon les paillettes, le music-hall et les chorégraphies à la con. Mais bon, c'était quand même meilleur que Kamel Wally. Non, la Star Academy n'a rien inventé, tout est né dans les 70s. Playback et pattes d'éléphant, roues, flaquettes et costumes blancs. Ils avaient des beaux habits qu'ils doivent regretter amèrement aujourd'hui. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Et puis, à l'instar des époux Carpentier, la télé des années 70 fut également la caisse de résonance de ce vent de modernisation qui traversait la société française. C'est ainsi, par exemple, que sur les écrans, tu as pu constater l'originalité et la révolution des nouvelles campagnes publicitaires. Aux légumes ou au poulet. Soupe piquée. Le couscous, t'as rien à faire, c'est déjà prêt. Soupe piquée. Oh oui, c'est soupe piquée. Qui nous fait le couscous? Le bon couscous qui nous plaît. Soupe piquée, c'est comme une fête qui se mange entre amis. C'est bon comme la bali. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur les médias dans les années 70, comment ne pas évoquer le style 70s des commentateurs de télévision? Le mieux, je crois, c'est d'écouter Coluche dans une véritable performance digne du grand Léon Zitrone. On écoute ça juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse. Eh bien, nous vous parlons depuis la petite chapelle de Saint-Laurent-en-Vexois, où doit avoir lieu la remise des communions apostoliques sous le haut commandement de sa sainteté Monseigneur Raymond de Valmore. Comme vous pouvez le constater aux écrans, le public s'est pressé nombreux, provoquant des bouchons de 7 km sur la nationale A4 qui relie le petit autoroute à la communauté paroissiale. J'aimerais que les caméras de Gilbert Sigaud vous montrent l'hôtel. Merci Gilbert. L'hôtel d'une grande sobriété mais très joliment décoré, tout le mérite en revenant d'ailleurs à Monseigneur Raymond de Valmore. Il y a là le grand chœur apostolique au grand complet, dirigé par Mademoiselle Veuve Raymond Duclos, ex-sociétaire de la Sainte Chorale Nationale, fidèle aux grands chants et chœurs de la cathédrale de Chartres. Près de l'orgue, vous apercevez les enfants de chœur en grande tenue de vêpres et au premier rang, les personnalités les plus représentative du canton. Eh bien, les regards convergent maintenant vers l'entrée d'où nous ne devrions pas tarder à voir arriver les différentes processions que nous attendons. Comme vous pouvez le constater aux écrans, la grande avenue du Général Monceau est encore vide, alors que l'on s'agite là-bas du côté de l'avenue Marignan, où en effet, c'est la procession du chanoine Léon Angèle que nous voyons arriver là-bas, mais c'est encore très loin. Tandis que sur la droite de votre écran maintenant apparaît la procession de Sœur Marie Berthier, qui représente le canton de Granville-sur-Yvette avec en tête sa chorale cantonne de Jajoie chrétienne. Tandis que maintenant également sur l'avenue Monceau apparaît Monseigneur le Bérolin. D'où nous sommes, nous ne pouvons malheureusement pas apprécier distance, mais distance pendant que le chanoine Léon Angèle est une légère avance. Ils semblent avoir l'avantage, les deux concurrents sont au coude à coude. Aucun ne semble en mesure d'enlever la décision lorsque nous abandonnons des virages. Mais Sœur Marie Berthier vient du diable, Vauvert, vers l'extérieur. Tandis que semble-t-il, la Bérolin se met à la faute. Première Sœur Marie Berthier, il y aura photo pour les partager aux autres concurrents. Ne vous donnez dès qu'il sera en possession. Vous connaissez que j'avoue ces studios. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Sex Machine, c'est ce que veut être en 1970 James Brown, le roi du funk. En effet, c'est primordial d'être une sex machine dans les 70s si tu veux profiter à fond de la révolution sexuelle. Alors, nous voici arrivés à un moment important de cette émission consacrée aux années 70. En effet, la panique au Mangin Palace va te révéler un secret d'État. La semaine dernière, président Giscard a vu défiler dans son bureau la plupart des candidats à la candidature pour la prochaine présidentielle. Chacun voulait obtenir des conseils du dernier ex-président encore en vie, un homme aussi précieux que les derniers poilus. Car VGE est le seul, avec président Chirac bien sûr, capable de dire comment on peut gagner une élection présidentielle. C'est bien entendu François Bayrou qui a ouvert la marche. François, c'est le fils spirituel de président Giscard. Tous les deux ont été présidents de l'UDF. Quelle chance! Et surtout, François, comme Giscard, il veut être président de la République, merde! Alors, François Bayrou, il a été voir VGE pour lui demander de l'accompagner dans ses tournées électorales. Mais Giscard lui a poliment répondu que... J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. Tiens, c'est vrai que dans les 70s, président Giscard, il faisait sa campagne électorale en musique avec son accordéon. C'était un peu l'Yvette Horner de la politique. Au passage, Bayrou se dit qu'il faudra lui aussi qu'il apprenne à jouer du biniou. Mais bon, là, ce qu'il aimerait bien, François, c'est des conseils concrets, merde, pour remporter la présidentielle. Alors, grand sage, VGE lui en donne quelques-uns. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. Le côté obscur est le plus fort ? Non, non, non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais ? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque. François Bayrou, il n'a pas tout compris à ce que lui a dit Maître Giscard et préfère prendre congé. À peine est-il sorti du bureau qu'un nouveau visiteur se présente. Il s'agit de Dominique de Villepin qui lui aussi est venu chercher des conseils auprès de VGE. En effet, Villepin, lui, il pensait, comme le rapporte Franz-Olivier Gisbert, que la France veut qu'on la prenne et que ça la démange dans le bassin. Mais en réalité, entre Dominique et la France, ça se passe plutôt comme ça. Je te fais pas mal ? Non. T'es sûr ? Ouais, ouais. Non, je te demande ça parce que d'habitude, il y en a qui suffoquent. Non, non, ça va. Je sais pas si tu te rends compte que t'es dans les bras d'un ténor. C'est pas bien ? Si, si, ça va. Mais pourquoi t'es toujours comme ça, là, toi, là, là ? Comment que je suis ? Je sais pas, moi. Immobile, sans passion. Hein ? Tu vois pas qu'elle s'en fout de ton baratin ? C'est moi qu'elle préfère. C'est Nicolas Sarkozy qui vient de débarquer dans le bureau de président Giscard. Lui aussi, il est venu pour obtenir de l'ancien chef de l'État des conseils pour remporter la victoire. Le problème, c'est que Sarkozy est membre du RPR depuis 1976 et que président Giscard... Il n'a pas digéré du tout qu'en 1981, le RPR et Jacques Chirac, donc, n'aient pas clairement appelé à voter pour lui. Giscard, ça, il ne l'a pas oublié. Alors quand Sarkozy lui demande de l'aider, la réponse de VGE est toute trouvée. Oh non, pas question. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Alors, un peu de franchise. Je voulais pas avoir de la nuit. Oui, je vois... Mais est-ce que je vois un peu de respect ? Est-ce que je sens un peu d'amitié ? Est-ce qu'il vous vient à l'idée de m'appeler parrain ? Soyez mon ami. Parrain. Bon, un jour... Mais ce jour ne viendra peut-être pas. Je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Mais en attendant... Je vous offre ce service. Grazie, grazie. Prego. C'est étrange parce que, dans les années 70, justement, Nicolas Sarkozy, c'est plutôt Charles Pasqua qu'il appelait parrain. Don Pasqua, qu'il l'avait justement parrainé pour entrer au RPR. Ça fout les jetons. Mais bon, Sarkozy, lui, est intimement persuadé de remporter l'élection présidentielle. Et il est surtout venu demander à Giscard comment on fait pour choisir son premier ministre. Giscard, ça lui rappelle la nomination de Raymond Barre comme chef du gouvernement en 76. Et Giscard, il se souvient surtout comment il avait présenté Raymond lors du premier conseil des ministres. Alors Couscous, c'est l'espèce d'ignoble pourceau qui n'arrête pas de bouffer et que je vous demande de respecter comme moi-même. Bon, on va manger. Ah mais tu t'arrêtes jamais, tu viens de t'enfiler un seau de frites. C'est pas possible, t'as le teigné ou quoi ? Faut dire que VGE, lui, il savait tout aussi bien conserver la ligne que les cadeaux présidentiels. Mais... Quand Giscard demande à Sarkozy sa méthode pour tenter de remporter la présidentielle, la réponse de Sarkozy est immédiate. Il compte ratisser large et récupérer tous les soutiens d'où qu'ils viennent. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut, ça va ? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. C'est vrai que du centre droit aux extrêmes, accepter tous les soutiens, parfois, ça craint un peu. C'est alors que Nicolas se retire et que Ségolène Royal en profite pour entrer discrètement dans le bureau de Giscard. Bonjour monsieur. Ségolène, elle explique à Giscard son problème. Avant, avec les autres dirigeants socialistes, tout se passait pour le mieux. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Ségolène, elle sait que sa candidature ne leur plaît pas. Oui, je sais depuis bien longtemps, il ne peut en être autrement. Ça dure depuis Ève et Adam, tous les hommes vont répétant. Les filles, c'est fait pour faire l'amour. Face à cet aveu, président Giscard ne sait pas quoi répondre. Que peut-il bien conseiller à Ségolène Royal? Alors, en vieux roublard de la politique, président Giscard, il s'en sort par une pirouette éculée. Je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Alors voilà, les futurs candidats à la présidentielle sont venus voir en secret président Giscard. Ségolène, Nicolas et les autres vont-ils suivre les conseils du vieux singe? Pas sûr. Pourtant, il est certain qu'il y en a un cette semaine qui a fait confiance à Giscard, c'est Lionel Jospin. Giscard lui avait conseillé de laisser tomber. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Laisse béton, c'est ce que propose Renaud en 1977 sur un album intitulé « Place de ma mob ». Laisse béton, c'est sans doute ce qu'a dû répondre Giscard à l'avocat de Christian Ranucci quand il a tenté d'obtenir une grâce présidentielle. Alors, pour poursuivre notre aventure disco dans l'univers des années 70, il est grand temps désormais à 11h43 de retrouver nos deux beatniks, les Peace and Love, Jean-Claude et Monique. Et cette semaine, nous allons voyager avec eux dans le temps, puisque nous allons te raconter cette fête mémorable entre sexe et drogue qu'ils ont vécue ensemble en novembre 1977. Alors, avant tout, c'est quoi la vie de Monique et Jean-Claude dans les années 70? Eh bien, grosso modo, ils se fréquentent, ils flirtent tranquillement, c'est une union libre. Jean-Claude, lui, est adhérent des jeunesses giscardiennes. Monique, elle, attend l'alternance politique pour changer la vie, mais surtout, elle milite farouchement pour l'émancipation sexuelle de la femme. D'ailleurs, elle a de grandes discussions à ce propos avec ses amis. De toute façon, leur révolution sexuelle, c'est encore une nouvelle façon de se faire baiser. Exactement, faire du clitoris l'équivalent du pénis, c'est nier la sexualité des femmes. Faut d'abord que les femmes existent pour elles-mêmes. Alors, on fait comment, alors? Il faut remettre en cause l'actuel système de baisage. Libérer notre sexualité, c'est écouter notre corps, travailler sur nos inhibitions. Et puis, de toute façon, la jouissance, ça ne nous libère pas des rapports de force. Oui, exactement. C'est comme la pilule. C'est bien, mais en même temps, c'est aussi la tentation de se soumettre au désir masculin. Jean-Claude, lui, trouve ce point de vue un peu excessif et, quoi qu'il en soit, lui au moins, il profite pleinement de la révolution sexuelle des 70s. D'ailleurs, d'un point de vue sexuel, justement, l'organisation de sa semaine est réglée comme du papier à musique. Lundi Caroline, mardi Véronique, mercredi Céline, jeudi Angélique, vendredi Berbanche, samedi Josépha, mais tout le dimanche, je ne suis qu'à toi. Je suis au service météo de France et toutes ces filles sur qui je me penche. Ce sont des cyclones, ce sont des typhons. Enfin, je questionne jusqu'à l'obsession. Un grand prédateur, ce Jean-Claude. Et un dimanche matin, alors qu'il est avec Monique, donc, dans sa chambre de bonne, Jean-Claude potasse un nouveau bouquin d'un genre très particulier qui, comment dire, le chamboule, surtout le chapitre consacré aux aisselles. Aisselles. La femme ne doit jamais raser cette pilosité. Le coït sous l'aisselle représente une variante possible. Agissez comme pour le coït, un terme amer, voire sain. De nombreuses femmes ressentent parfois le besoin d'être ligotées pour parvenir à l'orgasme. Pour choisir le meilleur moment, la concertation est préférable. Une variante consiste à suivre son inspiration. L'homme peut guetter la femme lorsqu'elle sort de la douche. Mais t'es malade, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu arrêtes de me faire chier toute la journée, oui. Eh oui, Monique n'est pas un objet sexuel. Ce n'est quand même pas un adhérent des jeunesses giscardiennes qui va lui dicter son plaisir. Bref. Et puis, au mois de novembre 77, donc quelques semaines seulement après l'inauguration du centre Georges Pompidou, nos deux étudiants de l'époque décident alors de monter à Paris pour visiter ce nouveau musée d'art contemporain. Après la visite, ils sont invités à une énorme fête donnée par Martine, une amie commune, étudiante en théâtre à l'université de Vincennes. Ainsi, à 22h30, Monique et Jean-Claude se retrouvent dans cet appartement communautaire dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a là énormément de monde réuni pour cette fête. On évoque encore la stupéfaction qu'a provoqué la mort d'Elvis l'été dernier. Dans toutes les pièces, on fume toutes sortes de choses, y compris l'interdit, Monique en tête. Cela dit, dans le petit salon, au bout du couloir, où se trouvent d'ailleurs Jean-Claude et Monique, Martine, la maîtresse des lieux, semble s'ennuyer gravement. Ce qu'on fait, c'est un jeu. Oh oui, volontiers. Vous voulez jouer à quoi ? Un truc marrant. Portrait chinois ? Oh non, pitié. Et si on jouait au jeu de la vérité ? Oh non, pitié. Pourquoi personne ne danse ? Oh, le jeu de la vérité, ça finit toujours mal. Ah, attendez, je crois que j'ai une idée, là. Oh, s'il te plaît, chérie. Oh, ta gueule. Et si on baisait ? C'est ça votre idée ? Oui. Ah, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non ? Elle dit qu'elle veut baiser. Bah, c'est original. Bon, alors qui commence ? Vous voulez commencer ? Ah non, là, merci, hein, sans façon. Et vous ? Bah, je sais pas, faut voir. Bah, t'es pas bien, qu'est-ce qui te prend ? Certains invités, choqués par cette proposition, même au cœur des 70s, décident de quitter immédiatement cette pièce de débauche. Monique, elle, toujours sous l'effet des quelques pétards qu'elle a fumés ce soir, se sent séduite par cette idée de faire l'amour à plusieurs. Coquine. Sans perdre de temps, elle le fait savoir à ceux qui sont restés là et se trémoussent devant eux. Je suis nue. Je suis toute nue. Et alors, c'est comme ça. Et alors, tout va très bien, se dit Jean-Claude, très excité de voir Monique, cette jeune femme qu'il fréquente depuis peu, dans cet état de lubricité. D'ailleurs, quand il la voit danser totalement nue devant lui, Jean-Claude ne peut s'empêcher de dire à Monique « C'est comme ça que je t'aime, comme un fou malgré moi. Jean-Claude n'en peut plus. Voir Monique nue là, comme ça, offerte, il est chaud bouillant. Il se dit en sirotant son picombière qu'avoir 25 ans dans les 70s, c'est quand même génial. Cela dit, Jean-Claude semble tout à coup tracassé. Il cherche visiblement quelque chose, énervé. Il fouille ses poches et se dit « Mais bon sang !» Où est ma drogue, mon wachiche ? Heureusement, plus de peur que de mal pour Jean-Claude. Certes, il a égaré sa drogue, mais François, un pote de fac, lui tend alors un énorme cône truffé d'une herbe pure venue de Katmandou. Ah oui, c'est les 70s. Hein. Après quelques bouffées, Jean-Claude sent très vite l'effet de cette cigarette qui fait rire. Et en regardant Monique danser nue devant lui, Jean-Claude se sent tout bizarre. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui ? Je suis amoureux de ma femme. Alors oui, sous l'effet de cette drogue offerte par son ami François, Jean-Claude se sent follement amoureux de Monique. Cela dit, 20 minutes plus tard, cette herbe pure semble avoir plongé Jean-Claude dans de terribles abîmes. Il s'est enfermé seul dans la salle de bain quand tout à coup, Jean-Claude entend du bruit. C'est toi, François ? Oui, c'est moi. Ça va pas ? Je suis très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte ? Oui, pourquoi ? Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure ? Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon ? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Bon, essaie de dormir un peu, là. Ah non, non, j'ai peur qu'il neige. Bah, s'il neige, je te réveillerai. Tu promets ? Bah oui. Eh, s'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'auras qu'à les prendre, hein ? Mais t'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Mais garde-les pour la prochaine fois. Oui. Voilà. Le lendemain matin, après une nuit sacrément agitée, donc Jean-Claude se réveille dans une chambre à la tapisserie totalement psychédélique, allongé près de Monique sur un canapé orange. Quand elle lui demande comment il se sent, Jean-Claude lui répond que... Je sais pas ce qu'il y a, je suis raplapla. Je suis tout pato, tout ramollo. Il faut éliminer. Vitel vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous. Donc, sur les conseils de Monique, Jean-Claude absorbe plusieurs litres d'eau minérale pour enfin retrouver ses esprits. Mais il n'a pas oublié les sentiments d'amour puissants qui l'ont assailli tout à coup hier soir. Et Jean-Claude sent bien que les années 70 vont bientôt toucher à leur fin. Il faudrait peut-être, se dit-il, penser à autre chose qu'au sexe et à l'alcool. D'ailleurs, c'est ce matin-là, en novembre 77, qu'il a déclaré à Monique que désormais, ce qu'il voulait avec elle, c'est surtout... Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Qu'il ait ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin. Avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. C'est ainsi que quelques années plus tard, après que Giscard leur ait dit au revoir, Monique et Jean-Claude ont eu Elsa, leur premier enfant. Fin de l'histoire des 70s. Cela dit, avant d'avoir un enfant, Jean-Claude aura dû faire son service militaire à Baden-Baden en 79. Et à l'époque, il s'en souvient, être si loin de Monique, ce fut difficile. Vanina appelle-toi. Vanina, c'est ce que chante Dave en 1975 quand il avait 16 ans. Dave voulait devenir théologien. Et puis Vanina et la libération sexuelle sont passés par là, du coup la soutane a valsé. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de la planète des 70s, de Pompidou président à Giscard à la barre, du Sacha Chaud au petit rapporteur et des délires psychédéliques de Jean-Claude à l'île aux enfants, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce qu'ont pu être les années 70. Alors bien sûr, en 53 minutes, on ne peut pas résumer toute une décennie. Évidemment, les années 70, c'est aussi la mort tragique de Jim Morrison et l'explosion de David Bowie. C'est la défaite des Verts de Saint-Etienne à Glasgow devant le Bayern de Munich en 76. Ce sont les chocs pétroliers. C'est la palme d'or pour Apocalypse Now en 79. Et puis, c'est aussi... Un mini-short, une nana kitsch. Un débardeur et la sapritch. Une mamie blue, des sexy shops un petit peu partout. Un carré bleu sur les pare-brises. Un Sapporo, des vieux baltards. Un Jésus-Christ en superstar. Un faux chaban, un vrai luron. Gérard Nicou au violon. Et Giscard à l'accordéon est toujours le même président. C'est Michel Delpech en 71 qui nous fait son inventaire. Voilà, fin du 46e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de rien avoir oublié. C'était C'est quoi les années 70, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutraque et archi loufoque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite par deux enfants des 70s, les doigts dans la prise, ma pomme, et le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Dimitri Gronoff et de Éric Mainviel. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard et Nicolas Ossard, notre stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chaligne, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc en direct dimanche prochain. Mais surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.